Identification de lieu. Reading the example sentences. Ici, c'est une salle de réunion. Je travaille à l'édifice Pearson. Je demeure à Halifax. J'habite rue Anderson.